Vous êtes toujours à l'écoute de Futur Simple sur les ondes de CKRL, toujours au 89.1. Et pour entrer plus en profondeur dans les recherches effectuées par l'équipe de Joël Betty, nous allons nous entretenir maintenant avec Jean-François Thérien. Jean-François Thérien travaillait avec Joël Betty depuis 2007. C'est d'ailleurs sous sa direction qu'il a effectué son doctorat. Il est maintenant biologiste en Pennsylvanie. Et c'est là que nous le rejoignons d'ailleurs par téléphone. Bonjour, monsieur Thérien. Bonjour. Alors, on va peut-être pouvoir un petit peu l'ensemble des travaux que vous faites en collaboration avec Joël Betty, peut-être faire un retour dans le temps au niveau de vos travaux que vous avez effectués sur le doctorat. Je pense que vous avez travaillé sur les harfangs. Oui, exact. En fait, j'ai fait mon doctorat à l'Université Laval sous la direction de Gilles Gauthier, mais Joël Betty était co-directeur et membre à part entière de l'équipe. Là. Donc, depuis le début de mon doctorat en 2007, j'ai travaillé en étroite collaboration avec Joël. Les projets, on a eu plusieurs projets, on en a encore ensemble en commun, qui étudient surtout les oiseaux qui nichent dans l'Arctique. Il y a des oiseaux qui en migration, qui font des migrations ou qui séjournent dans l'Arctique pour l'année. Donc, il me semble avoir lu que vous avez travaillé sur le harfang, c'est ça? Oui, exact. Oui? C'était un des principaux, des principales espèces de mes recherches. Et alors, qu'est-ce qui vous intéressait particulier chez le harfang des neiges? Mais en fait, une grosse partie de nos recherches, puis ça inclut les travaux de Joël aussi, c'est on étudie beaucoup les mouvements des individus, puis pas seulement d'une population d'oiseaux en général. On étudie les mouvements individuels des oiseaux, et on l'a fait chez les harfangs des neiges. On s'intéressait énormément à savoir où les harfangs vont d'une année à l'autre, parce que c'est un oiseau qui démontre des particularités très intéressantes chez les oiseaux, c'est-à-dire que au lieu de migrer d'un site de reproduction à un site d'hivernage et faire l'aller-retour entre les deux à chaque année, comme la plupart des oiseaux, mais l'harfang des neiges, il fait pas ça, en fait. Il fait tout le contraire, c'est-à-dire qu'une année, il se reproduit à un certain endroit dans l'Arctique, puis l'année suivante, au même endroit, il n'y a aucun harfang qui sont présents. Et donc, ils se sont déplacés énormément. Et on voit la même chose dans le sud du Québec, c'est-à-dire que certains hivers, on a des éruptions, qu'il y a énormément d'oiseaux, énormément d'harfangs dans un site donné. Et un hiver suivant, mais il peut en avoir vraiment peu ou aucun, en fait. Ça veut dire qu'ils sont pas fidèles à leur lieu de nidification, par exemple, ou qu'ils reviennent pas toujours s'alimenter aux mêmes endroits pendant l'hiver? Tout à fait raison, c'est exactement ça. C'est un oiseau qui démontre cette particularité-là. Il n'est pas le seul, mais c'est un oiseau qui est assez spectaculaire dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas fidèle à un site de reproduction. Puis même pendant l'hiver, il retourne dans certaines zones qui sont les mêmes, mais rarement au même site d'année en année. Et alors, comment on fait ça pour suivre les déplacements des oiseaux individuellement? Ben une des principales techniques qu'on utilise ces années-ci, qui ont été permis suite au développement technologique, c'est on utilise des petits émetteurs radio qu'on installe sur les oiseaux, souvent sous forme d'un sac à dos. Et donc, ces émetteurs-là transmettent la position de l'oiseau à des satellites qui sont en orbite autour de la Terre, et on est ainsi capable de localiser les oiseaux jusqu'à une précision allant jusqu'à 10 mètres près dans le meilleur des cas, mais souvent à l'intérieur d'un rayon d'un kilomètre, on peut savoir où sont nos oiseaux. Donc, vous avez pu les suivre presque à la trace. Qu'est-ce que vous avez observé? D'abord, vous avez fait ça sur beaucoup d'oiseaux? Bien, on a marqué un petit peu plus que 15 oiseaux. Dans notre site d'études, on avait marqué 12, on a des collègues qui en avaient marqué 4 autres. Et donc, on a suivi les oiseaux pendant plus de 3 ans dans la plupart des cas. Puis ce qu'on a vu, c'est que, bon, les oiseaux, comme on dit, on supposait, avant de commencer les travaux, on supposait que les oiseaux allaient se déplacer d'un site à l'autre et d'une année à l'autre allaient changer de site de nidification, mais ça n'avait jamais été démontré. On a été capable de démontrer justement avec ce suivi-là qui nous a démontré des patrons de migration entre les années sur d'énormes distances, en fait, là, des mouvements qu'on appelle post-reproductifs, une dispersion post-reproductive qui était assez importante. Donc, ça veut dire qu'ils vont où? Est-ce qu'on a quand même le schéma que, bon, ils se reproduisent au nord et ils hivernent au sud, ou il y a toutes sortes d'autres déplacements possibles? Oui, il y a toutes sortes d'autres déplacements possibles. En fait, c'est ce qu'on pensait en commençant le projet. C'est-à-dire qu'on supposait que les harfangs nichaient dans l'Arctique. Bon, pas de grande surprise de ce côté-là, parce qu'effectivement, les harfangs des neiges nichent dans l'Arctique et à chaque année. Mais par contre, on pensait que l'hiver, bon, ils descendaient dans le sud du pays, dans le sud du Canada, au nord des États-Unis, pour passer l'hiver. Mais en fait, la plupart des oiseaux qu'on a suivis sont demeurés à des latitudes très élevées, là, au nord de la limite des arbres. Puis en fait, la plus grande surprise est venue aussi suite à l'utilisation de nos émetteurs satellites, c'est qu'on a vu les oiseaux aller passer l'hiver, une partie de l'hiver sur la glace de mer. C'était un comportement tout à fait nouveau, tout à fait surprenant, parce que c'est pas un oiseau marin, il n'a pas les pattes palmées. Ouais. Et donc, on s'est demandé énormément, bon, qu'est-ce que les oiseaux vont faire là? Oui, et alors, qu'est-ce qu'ils font là? Ben en fait, quand on a j'ai regardé les cartes, on était tout à fait surpris de voir ces comportements-là, puis on croyait l'arsan des neiges comme étant un spécialiste de petits mammifères, comme des souris, comme les rongeurs. Ouais. La proie principale qui s'alimente dans l'Arctique, qui sont les lémings. Et donc, sur la glace de mer, bon, il n'y a pas de telles espèces. Et donc, plus on parlait de nos travaux, plus des collègues au Service canadien de la faune nous ont dit, ah, ben, ces sites-là sur la glace de mer, c'est des sites où il y a des grands rassemblements d'oiseaux de mer pendant l'hiver, des éders. Mm-hmm. Des canards de mer, des goélands marins également. Et donc, on dit, bon, probablement, en fait, que les harfans consomment ces oiseaux de mer-là. Parce que sur la glace de mer, il se crée des ouvertures dans la glace de mer qui fait qu'on appelle des polynies, qui sont des ouvertures d'eau libre. Ces ouvertures-là sont récurrentes, c'est-à-dire qu'il y en a chaque année, mais ça se déplace énormément là, suite au courant marin puis au vent. Mais il y a toujours des ouvertures et donc les canards de mer vont se poser là pour se reposer, pour s'alimenter en mer. Et donc les harfans s'alimenterait de ces oiseaux-là, selon la meilleure hypothèse. Alors, c'est assez curieux, parce que finalement, moi aussi, j'imaginais, on se représente toujours les harfans comme vivant, ben, chassant le lemming, puis on parle d'ailleurs de cycles, que s'il y a beaucoup de lemming, ça va être une année de harfans, etc. Mais on s'aperçoit, d'après vos recherches, vos observations, que le harfan s'alimente aussi en mer, est un prédateur pour les oiseaux marins. Finalement, il est un peu à la frontière ou à l'interface entre l'écosystème terrestre et l'écosystème marin. Oui, oui, effectivement, c'est le lien principal que ça nous a permis de démontrer. Pendant l'été, les harfans qui s'alimentent presque exclusivement de lemming, 95% du régime alimentaire constitué de lemming, donc une alimentation très terrestre. Mm-hmm. Et par contre, à l'hiver, on voit un certain changement, un switch, si je peux dire, la plupart des harfans vont changer d'alimentation et vont commencer à s'alimenter d'un peu de tout, mais de probablement beaucoup de proies marines pendant l'hiver. Et alors finalement, est-ce que, bon, puisqu'ils sont assez des prédateurs, que ce soit pour les petits rongeurs ou pour les oiseaux marins, est-ce que c'est ça qui explique les patrons de déplacement aussi sporadiques des harfans? Donc, puis finalement, ils exercent une pression à chaque endroit où ils atterrissent, où ils arrivent? Ben, en fait, oui, c'est ce qu'on croit à la lumière des résultats qu'on a à date et des hypothèses qui étaient supposées avant de commencer les travaux. C'est-à-dire que les harfans sont hautement dépendants de l'abondance de lemming dans l'Arctique. L'abondance de lemming varie d'une année à l'autre à un site donné. Et donc, les harfans sélectionnent les sites de nidification dépendamment de l'abondance de lemming, vont se déplacer d'un site à l'autre, d'une année à l'autre, dépendamment de l'abondance de lemming. Mm-hmm. Et donc, exerce une pression de prédation qui peut être très importante pendant l'été. Par contre, à l'hiver, change un peu de scénario. Au lieu d'être un spécialiste, ils deviennent une sorte d'opportuniste. Ils vont s'alimenter des proies qu'ils trouvent. Donc, probablement, si les oiseaux, au lieu de se déplacer sur de grandes distances, demeurent à des latitudes élevées, mais ils vont aller près de la glace de mer et ils vont s'alimenter des proies qui sont présentes. Là, vous êtes maintenant en Pennsylvanie, dans un laboratoire, dans un centre de recherche, je ne sais plus comment il s'appelle, peut-être vous pouvez le dire, Oak Mountain Sanctuary, c'est ça? Oui, exactement. Oak Mountain Sanctuary, qui est le plus vieil sanctuaire de protection pour les oiseaux de proie, en fait, au monde, qui a été créé en 1934. Sanctuaire ici où on travaille, en fait, on est une équipe de chercheurs et d'éducateurs pour protéger les oiseaux de proie. Donc, nos recherches ici sont principalement basées sur les oiseaux de proie, sur l'écologie des oiseaux de proie. On touche tout plein de sujets, c'est-à-dire de mouvement, de déplacement des oiseaux, de dynamique de population, on fait des décomptes de migration également. Et vous avez toujours des collaborations avec Joël Betty? Oui, ben effectivement, on a mis en place des projets pendant mon doctorat et ensuite avec d'autres chercheurs, des collaborations comme ça qui est un peu en fait la science d'aujourd'hui se fait avec beaucoup de collaborations et en équipe. Et donc, oui, on a encore des projets ensemble avec Joël. Donc, par exemple, est-ce que vous étudiez, parce que, bon, Joël Betty s'intéresse quand même particulièrement à l'Arctique, plus que, ben, j'imagine, plus qu'aux oiseaux de la Pennsylvanie. Donc, ça veut dire qu'avec lui, vous avez toujours des collaborations avec des projets de recherche sur les prédateurs de l'Arctique? Oui, effectivement. En fait, le centre de recherche ici a commencé justement en 1934 avec des recherches sur les oiseaux de Pennsylvanie, mais maintenant est présent dans des projets de recherche, je dirais, sur les cinq continents. Il y a une présence assez importante et reconnue mondialement comme centre de recherche. Mm-hmm. Donc, en venant travailler ici, j'ai amené un peu le volet de recherche dans l'Arctique, recherche okay. au Canada. Et donc, c'est justement, ça continue, les collaborations continuent pour les projets qu'on a mis en place. Et qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme oiseaux prédateurs dans l'Arctique, à part le harfang? Ah ben, il y a d'autres oiseaux comme le faucon pèlerin, qui était bien uh-huh. connu. Le faucon gerfaut est un autre oiseau bien connu. La beuse patue est un autre oiseau de proie. On a des oiseaux qui sont des oiseaux marins, mais qui viennent en milieu terrestre pendant l'été, qui deviennent des oiseaux prédateurs, comme les labs et les goélands. Mm-hmm. Est-ce qu'ils sont compétiteurs pour les mêmes proies? Ah oui, toute cette belle bande de prédateurs vont s'alimenter de lemmings. Certains vont spécialiser sur des plus gros lemmings, certains sur d'autres des plus petits lemmings. Certains vont spécialiser mm-hmm. dans des habitats plus secs ou terrestres ou montagneux versus des habitats plus humides de bas de vallée. Et vont également s'alimenter d'autres espèces, c'est-à-dire qu'il y a des oiseaux, des passereaux par exemple, qui nichent dans l'Arctique. Donc le faucon pèlerin est un prédateur connu d'oiseaux plus que de mammifères. Il va consommer des lemmings, mais va surtout consommer des oiseaux. Mm-hmm. La même chose pour les labs et les goélands. Ils vont tous compétitionner pour les mêmes proies. Donc, vous avez beaucoup de sujets, de personnes emplumées à étudier et à suivre avec vos balises là, que vous posez encore sur des oiseaux. Est-ce que vous les étudiez aussi de la même façon pour étudier le déplacement avec les sondes là, ou les balises? Oui, effectivement, oui. On a un beau groupe d'espèces, une belle bande d'espèces à étudier mm-hmm. qui ont des comportements tout aussi variés. C'est-à-dire que, comme on disait plus tôt, on leur fait est particulier parce que c'est vraiment un oiseau nordique, il demeure au nord. Faucon pèlerin, à l'inverse, va nicher dans l'Arctique, mais va aller séjourner pendant l'hiver vraiment plus au sud, mm-hmm. c'est-à-dire jusqu'au Chili ou en Argentine. Ah, oui. Et donc, on suit ces oiseaux-là aussi avec le même genre de technologie, c'est-à-dire des balises, des émetteurs satellites, en fait. D'accord. Ben, c'est fort intéressant. Je vous remercie beaucoup de nous avoir fait connaître un peu mieux le harfang, de nous avoir fait découvrir que certains harfangs restaient sur place pour s'alimenter en hiver, restaient en Arctique, et puis nous avoir éveillé aussi au fait qu'il y avait peut-être d'autres oiseaux prédateurs dans l'Arctique. Alors, je vous souhaite une bonne continuation dans vos recherches, et merci de nous avoir parlé à CKRL. Ben oui, merci. Au revoir. Bye-bye. C'était donc Jean-François Terrien, qui est biologiste au Oak Mountain Sanctuary en Pennsylvanie.